La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Edith Wharton est une écrivaine à cheval entre deux époques, avec d'un côté le 19e siècle des salons, des bals et de la société aristocratique dans laquelle elle est née, et de l'autre, l'entre-deux-guerres des années folles, l'automobile, ce monde traumatisé par la grande boucherie de 14-18. D'ailleurs, son style, classique, semble appartenir à la belle époque, quand son ironie et son indépendance la placent déjà du côté du XXe siècle. Et puis à cheval, elle l'est également entre deux continents, l'Amérique et l'Europe, comme nous allons le voir ici, jusqu'à jeudi. Jeudi, où il sera question de trois petits récits d'Edith Wharton qui nous permettront d'appréhender trois de ses grandes révélations, l'Italie, l'érotisme et la littérature. Nous serons pour ce faire avec le philosophe Maxime Rovert. La veille, mercredi, nous aurons parlé de deux romans de Wharton en compagnie de leurs traductrices respectives. Le temps de l'innocence d'abord avec Sarah Fosse et puis Ethan Frome avec Julie Wolkenstein. Enfin demain, nous tâcherons de faire émerger les grandes thématiques qui l'ont obsédé toute sa vie et notamment celle du passage d'une civilisation à une autre ou encore la question de la solitude dans le couple. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie d'Edith Wharton, nous sommes avec le romancier, essayiste et traducteur Jean Pavant. Son dernier essai date de l'automne dernier, il s'appelle Proust, Vermeer, Rembrandt et il a paru aux éditions Arléa. Ses traductions, elles vont de Gertrude Stein à Virginia Woolf en passant par Harold Pinter, sans oublier Henry James, sur qui il a par ailleurs écrit Le musée intérieur de Henry James, un essai publié au Seuil en 2016. Et puis bien sûr, il est traducteur d'Edith Wharton avec l'autobiographie Les chemins parcourus chez Flammarion en 1995, et puis des romans comme Sur les rives de l'Hudson, Les New Yorkaises, Les amours d'Odon et Fulvia, ou Les dieux arrivent, et puis encore l'essai Les mœurs françaises et comment les comprendre, sans parler du récit La France en automobile, disponible celui-là en folio chez Gallimard, j'en oublie probablement. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Mon premier souvenir conscient est d'être embrassée sur la 5e avenue par mon cousin Dan Fearing. C'était par une journée d'hiver, je me promenais avec mon père et j'avais un peu moins de 4 ans, lorsqu'eut lieu cet événement considérable. Mon cousin, un petit garçon tout rose et tout rond, ayant 2 ou 3 ans de plus que moi, se promenait également avec son père. Je le vois encore courir vers moi pour m'embrasser, et je me souviens nettement de la sensation extrêmement agréable que produisit sur moi cette façon de me saluer. Avec une égale netteté, je me rappelle la satisfaction que j'éprouvais en sachant que je portais mon meilleur bonnet, une très belle coiffe faite d'un tartan de velours éclatant avec une doublure de satin blanc bordée de tout un ruchet de dentelle blonde. Je peux donc dire en toute vérité que ma première sensation consciente fut suscitée par les deux instincts les plus profondément ancrés dans ma nature, le désir d'être aimé et celui de paraître jolie. Un extrait issu de l'autobiographie inachevée d'Edith Wharton, La vie et moi, lu ici par Marie-France Ganzer. Bonjour à vous Jean Pavant. Bonjour. Avec vous, nous allons donc parler de la vie de cette femme qui a toujours eu, on vient de l'entendre dans cette lecture, un souci de l'esthétique, un peu comme si son but était de rendre le monde plus agréable à regarder. Vous êtes d'accord avec ça ? Pour l'esthétique, sûrement. Et ce qu'il y a de frappant dans ce premier souvenir d'éveil de conscience, c'est la sensualité. Et c'était les deux aspects de Edith Wharton, qui était une cérébrale, une intellectuelle, disciplinée, puritaine, mais avec un très fort tempérament sensuel. Elle dit qu'elle aimait les petits animaux et les petits garçons. Les petits animaux, les petits garçons, mais bien. En effet, de toute façon, les animaux faisaient partie aussi d'une certaine sensualité, bien sûr. Une sensualité qui a pourtant été réprimée pendant très longtemps. Qui était réprimée, nécessairement, dans son milieu, pour les femmes, qu'elle-même a disciplinée, mais qui transparaît tout le temps dans son œuvre. Tout le temps, ce qui la différencie de Henry James, il y a beaucoup de différences avec Henry James, mais c'est qu'il y a un courant sensuel puissant dans chacun de ses romans. Mmh. Et quant à sa vie personnelle, des choses sont bien connues. Elle eut un mariage plutôt raté. Sur lequel on va revenir, sur lequel vous allez revenir. Bien entendu. Sur cette idée de l'esthétisme, vous semble-t-il que son milieu d'origine, cette haute bourgeoisie new-yorkaise, peut-être soucieuse du décorum, a eu une influence sur son rapport avec l'envie de rendre les choses autour d'elle jolies ou belles, de faire en sorte qu'elles ressemblent à un tableau? Oui. Comme toutes les écrivains importants de chaque époque, elle est liée quand même à des phénomènes d'époque. Et étant née dans une famille qu'on peut appeler l'aristocratie américaine, le vieil argent, qui était un argent immobilier... On peut vraiment parler d'aristocratie, c'est pas simplement de la haute bourgeoisie? Non, il n'y a pas d'aristocratie aux États-Unis, mais disons qu'il y a des classes sociales très très tranchées. Et d'ailleurs, Paul Bourget, qui a écrit un merveilleux livre sur les États-Unis outre-mer, était très frappé par la hiérarchie de classes qui existe aux États-Unis et qui était plus brutale finalement que dans la vieille aristocratie européenne. Donc c'était les premiers colons. Elle venait des colons anglais et allemands. Sa mère était ou même hollandais, je pense, rhinlandais. Et c'était une très bonne société américaine, new-yorkaise, qui se considérait comme une aristocratie. Même Henry James était moins de cette hauteur, parce que lui venait d'immigrer irlandais, ce qui était beau. Donc, il y a eu des crises financières quand elle était petite fille, et qui fait que les Américains aisés allaient en Europe, parce que le dollar était fort, l'Europe était beaucoup moins cher, et elle a eu la révélation esthétique de l'Europe, de l'Italie, de l'Espagne, de la France, toute petite fille. Et elle en a pris des critères de beauté architecturale, entre autres, et de décoration. Et elle était complètement consternée par la laideur de New York quand elle y revenait. Et en réalité, puisque le premier livre qu'elle a publié, qu'elle a écrit, s'appelle The Decoration of Houses, la décoration des maisons, qu'elle a écrite avec un ami architecte, Ogden Codman, et qui était de montrer à la haute société américaine comment il fallait avoir du bon goût. Parce qu'elle, non, elle estimait que la manière de décorer les maisons des riches américains était lourde, vulgaire, affreuse. Et elle ne parle finalement que de ça. Enfin, elle parle aussi très souvent de cela dans ses romans. On n'a pas dit qu'elle était née le 24 janvier 1862. C'est le troisième et dernier enfant donc de George Jones et de Lucretia Stevens Rhinelander. Tous les deux viennent, vous l'avez dit, de familles très fortunées. C'est une atmosphère où on ne travaille pas. C'est une vie oisive où la plupart des occupations tournent autour de l'hospitalité. Du loisir. Et c'est d'autant plus remarquable d'ailleurs qu'une femme qui aurait pu ne rien faire de sa vie, vivre de ses rentes, et être une simple mondaine, et créer une œuvre aussi considérable. Comment vous expliquez justement qu'elle arrive à s'extraire finalement de l'oisiveté, alors que tout finalement concourt à faire en sorte qu'elle ne fasse rien de sa vie? Longue histoire. À propos de sa naissance, elle est née largement après ses deux frères. Et il y a une hypothèse comme quoi elle était enfant naturel du précepteur de ses frères. Parce que même physiquement, elle était un peu moins jolie. Enfin, elle était pas vilaine du tout. Mais son père, sa mère, ses frères étaient beaux. et elle-même qui est arrivée plus tard. Donc c'est un mystère. Comme elle a été très fascinée aussi, enfin très fascinée, elle a beaucoup traité des amours illégaux et des enfants hors mariage, il y a cette hypothèse. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle était donc destinée à être une mondaine, accompagnant son mari et organisant des fêtes, et ça l'a déprimée atrocement. Mmh. Parce qu'elle avait un puissant tempérament littéraire, elle a une passion absolue pour la lecture, pour la littérature. Qui vient d'ailleurs très tôt chez elle. Très tôt. Il y a une anecdote très jolie, même avant de lire, elle aimait tellement lire qu'elle prenait n'importe quel livre et qu'elle le mettait à l'envers, elle faisait semblant de le lire. Elle lisait aussi à sa grand-mère, qui n'entendait pas très bien, alors il fallait qu'elle hurle dans son oreille. Après quoi, quand elle a su vraiment lire, c'était une passion viscérale, d'une certaine manière. Et ce qui est terrible, c'est qu'après son mariage, où elle étouffait, où elle n'exprimait pas son puissant tempérament littéraire, elle a eu des crises nerveuses, et donc on l'a traitée pour hystérie féminine. C'est un médecin qui avait d'ailleurs traité aussi la sœur des frères James pour la même raison, qui devenait hystérique pour la même raison, c'est-à-dire pour pas pouvoir épanouir son tempérament intellectuel. Et cet homme, Silas Weir Mitchell, qui était d'ailleurs plus ou moins un contemporain de Cass Charcot, qui s'occupait d'hystérie, qui était nécessairement féminine, avait comme traitement pour Edith Wharton le repos absolu, la nourriture solide et surtout aucune lecture. Vous pouvez vous rendre compte. On va guérir ce tempérament littéraire extraordinaire en empêchant de lire. Alors, cet amour de la lecture tient beaucoup à la grande bibliothèque de son père. Elle en parle justement dans Chemin parcouru, son autobiographie. Mon père m'enseigna l'alphabet et il s'apprêtait à me faire distinguer chat de rat lorsqu'un beau jour on me découvrit assise dans le salon en train de lire une pièce intitulée Fanny Lear d'Alévi, je crois. Ni moi ni personne dans ma famille ne se rappelait que je fusse passée par les étapes intermédiaires. Et de ma progression, je ne me souviens de rien d'autre que du fait aussi clair que s'il avait eu lieu hier, que je parcourais les pages de Monsieur Alévi avec une apparente maîtrise de la signification des mots courts et de la sonorité des mots longs. Quand je pense aux soins avec lesquels, par la suite, on a surveillé mes lectures jusqu'au jour de mon mariage, il me semble bien étrange que j'ai commencé par l'histoire d'une prostituée. Dès lors, je fus captivée par les mots. Peu m'importait de les comprendre ou non, la sonorité était l'essentiel. Ils me chantaient aux oreilles comme les oiseaux d'une forêt magique. Et ils avaient un aspect autant qu'une sonorité. Chacun avait ses mouvements et sa physionomie. Quel attrait pouvaient bien avoir les poupées pour une enfant qui disposait de jouets aussi merveilleux qu'en plus elle pouvait, elle le savait, remplacer par d'autres encore plus merveilleux dès qu'elle s'en lassait. La compagnie des auteurs sur France Culture avec Edith Wharton qui disait que chaque fois qu'elle tentait de se rappeler son enfance, l'image qui lui revenait, c'était celle de la bibliothèque de son père. Et finalement, c'est cette bibliothèque qui la sauve aussi d'une enfance peut-être un peu morne, peut-être un petit peu triste, et placée aussi sous le sceau, vous le disiez, Jean Pavant, d'un certain secret ou de la suspicion d'un certain secret. Je ne pense pas que l'enfance était triste, mais son tourment était qu'on l'obligeait dans un rôle de petite fille. Or, elle se reconnaissait, et c'est l'androgynie de Wharton dans un monde intellectuel, qui était un monde asexué, si on veut dire, androgyne. Dans tous ses romans, elle n'est pas très féministe. Elle est assez redoutable envers les femmes et elle a toujours été extrêmement satirique envers les coquettes et cervelées. Mm-hmm. D'une part envers les coquettes et cervelées, d'autre part envers les femmes qui s'imposent par la maternité, qui s'imposent à un homme en lui faisant un enfant en quelque sorte. Mais les coquettes ne sont pas forcément féministes non plus. Non, je pense bien. Non, moi je veux dire que dans le disons le jeu entre hommes et femmes, elle rendait beaucoup coupables les femmes. Mmh. Ouais. Et donc, et il y pourtant, avait... elle a quand même une forme d'indépendance dans sa manière de vivre. Ça, c'est son autre... C'est le choix qu'elle a fait, c'est-à-dire... Et ces héroïnes positives qui souvent sont d'ailleurs des victimes parce qu'elles n'arrivent pas vraiment s'affirmer dans la société, ce sont des cérébrales, des littéraires qui rencontrent un profond amour avec un jeune homme, lui-même littéraire, et souvent le jeune homme est d'un tempérament plus faible, et la jeune fille a plus de tempérament parce que c'est affirmé dans la littérature, et il se retrouve comme ça dans une sorte de couple androgyne cérébral. C'était son idéal, qu'elle a à peu près vécu, mais chastement, apparemment, avec un ami de toute sa vie qui a été Walter Berry. Et dont on reparlera aussi. Donc cette bibliothèque paternelle, c'était 800 volumes. Il n'y avait que des classiques, sans doute par peur légère de la littérature contemporaine qu'avaient ses parents, et probablement sa mère en particulier. Est-ce que ça a pu l'influencer d'une manière ou d'une autre, influencer son écriture ? Sans aucun doute. Elle pensait que le classicisme était contemporain. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la décoration des maisons aussi, elle pensait qu'il y avait un goût classique qui pouvait être l'Italie du XVIe siècle ou la France du XVIIIe siècle, et que j'ai traduit un petit livre qui s'appelle Les règles de la fiction, que j'ai traduit par Les règles de la fiction. Writing, excusez-moi, le mot anglais, le titre anglais m'échappe pour l'instant. Et elle pense qu'il y a des règles éternelles de la littérature, et elle tient absolument au classicisme en pensant que les règles classiques permettent la créativité. Et quand elle a découvert Proust avec passion, alors qu'elle détestait James Joyce, qu'elle trouvait pornographique. Oui, elle disait non, la pornographie ne gênait pas trop parce qu'elle-même a écrit un texte pornographique. Oui, on en parlera. Assez étonnant. Non, elle disait que c'était une pornographie de boutonneux, de garçons, d'adolescents, et en revanche, quand elle a lu Proust, elle a dit Proust n'est pas est quelqu'un de beaucoup plus important qu'un novateur, c'est un rénovateur. Il a repris toutes les grandes règles du roman. Et Virginia Woolf non plus n'était pas un écrivain qu'elle aimait tellement. Oui, ça c'est autre chose, oui. Elle n'a pas du tout aimé la nouvelle, dont James Joyce, entre autres, la nouvelle génération des années 20. Non, elle n'a pas du tout aimé. Donc, inutile de dire qu'elle n'a pas du tout aimé Gertrude Stein. Non, elle pensait à des règles absolues du classicisme. Alors, il ne faudrait pas imaginer non plus une petite fille recluse dans la bibliothèque paternelle. C'est aussi quelqu'un qui dit qu'elle était une petite fille en bonne santé, qui aimait gambader, qui aimait faire du cheval, qui aimait nager. Simplement, aucun des enfants de son âge, aucun même de ses proches plus âgés, de ses parents, par exemple, ne lui parlait aussi directement que la grande voix qui sortait de ses livres, écrit-elle dans son autobiographie, Jean Bavon. Oui. Oui, elle a toujours cherché donc quelqu'un d'idéal, un compagnon idéal avec qui elle aurait la fusion par la littérature. Mais quant à son goût de la nature, son goût du sport, d'une certaine manière, de faire du cheval, ça fait partie de son tempérament physique puissant aussi. Elle a toujours une grande passion pour la nature et une sorte de volonté de fusion dans la nature qu'elle a à moitié réalisée avec ses jardins. L'éducation d'Edith Wharton, elle passe par toutes les langues, parce que, vous l'avez dit Jean Pavan, elle a passé 10 ans d'enfance, alors en France, mais aussi beaucoup en Italie, mais aussi beaucoup en Espagne, mais aussi beaucoup en Allemagne. Elle connaissait toutes ces langues-là. Oui, elle était d'ailleurs comme Henry James, elle parlait couramment italien, français bien sûr, allemand, anglais, l'espagnol un peu moins je pense. Oui, elle disait couramment, bien sûr, la littérature dans les langues d'origine. Elle disait la littérature française dans la langue. Et j'imagine qu'elle lisait le latin aussi. Alors parlons un peu, Jean Pavant, du rapport d'Edith Wharton avec l'écriture. On se souvient donc, alors qu'elle ne savait pas lire, elle aimait raconter, elle aimait même improviser un livre à la main des histoires. Et c'est à 14 ans qu'elle écrit son premier récit, Fast and Loose. Que peut-on dire de l'émergence de ce qu'on peut appeler quand même une vocation ? Ah, c'est sidérant. Elle était extrêmement douée. Elle a créé un petit roman, Fast and Loose, que j'ai traduit sous le titre de Libre et Légère. Et c'est un petit roman parfait. Elle était d'une certaine manière plus naturellement douée que pouvait l'être Henry James, qui n'aurait jamais écrit quelque chose d'aussi achevé à l'âge de 13 ou 14 ans. C'est un livre qu'elle a laissé, qui n'a pas été publié, et qui a été retrouvé dans ses papiers après sa mort, à tel point quand on le lit, on se demande si elle n'a pas quand même un peu remanié avant de le laisser dans ses papiers, mais je ne crois pas. Vous pensez qu'elle était comme ça, du genre à, non pas dissimuler, mais à réarranger par la suite? Par exemple, son autobiographie, il y a beaucoup de choses dont elle ne parle pas. Oui, mais pour Fast and Loose et pour ses premiers essais, parce qu'en fait elle avait vraiment devenu écrivain à 40 ans, c'est qu'elle était timide, elle n'était pas sûre. Elle n'était pas sûre d'être au niveau d'un écrivain comme Henry James, disons, mais enfin James est un génie. Et puis rien ne l'encourageait à cela. Elle avait honte, elle cachait le fait d'écrire. Non, quant à sa première tentative de biographie, Life and I, La vie et moi, qu'elle a écrit juste après la mort de sa mère, elle l'a calée parce que elle allait vers des conférences sexuelles qu'elle ne voulait pas donner. Oui, donc il y a quand même un certain nombre de choses dont elle n'a pas parlé, de toute façon, que ce soit dans ce début d'autobiographie comme dans Les chemins parcourus, qui, là, pour le coup, donne le sentiment d'une femme de force et d'équilibre, qu'elle n'était peut-être pas, sans doute. Non, elle pas. L'était, elle était, mais justement, elle avait besoin de cet équilibre. Elle avait absolument besoin de digue. Mais ce n'était pas du tout une hypocrisie, ou c'était une discipline. Et puis, de toute façon, ces tourments personnels se retrouvent converti dans ses fictions. Je suis certain qu'elle aurait eu horreur de l'autofiction, absolument abominable pour elle. Et non, on ne va pas livrer au public des choses directement avec les noms, etc. Alors, elle se marie en 1885 avec donc un certain Edward Wharton, qu'on appelle Teddy. Donc, il vient aussi d'une excellente famille de Boston. Il n'aime pas la chasse, il n'aime pas les chiens, il n'aime pas les chevaux, il n'aime pas grand-chose d'ailleurs, Teddy. Il est un peu neurasthénique, il le sera de plus en plus. Oui, enfin, je ne suis pas beaucoup intéressé à Teddy Wharton, mais c'est un mariage entre quelqu'un d'un peu inepte, tel qu'on peut l'imaginer, pas sa faute, déséquilibré, nerveux, et voilà, et Edith qui devait s'affirmer. Et la passion d'Edith pour la France vient du fait qu'elle a pu divorcer en France. Ça aurait été un scandale épouvantable si elle avait discuté de divorcer aux États-Unis. Ça se passe bien des années plus tard. Ils vont vivre ensemble de nombreuses années. Ils divorcent en 1917, je crois. Oui, c'est ça. Donc ils passent des décennies ensemble où ils font évidemment, chambre à part. Oui, mais il était lui-même avec des maîtresses, et puis en plus, il dépensait l'argent d'Edith, parce que c'est la dot d'Edith, pour entretenir des maîtresses. Mais elle n'a pas divorcé dans son milieu aux États-Unis était un scandale qu'elle ne voulait pas, donc elle a divorcé en France avec un tribunal français, et à partir de là elle n'est pas retournée aux États-Unis. Elle n'est retournée aux États-Unis qu'en 1921, je crois. Enfin, quand elle a eu le prix Pulitzer pour Le temps de l'innocence. Donc la France est devenue son pays, vraiment. Complètement. La France est devenue complètement son pays, sauf qu'elle a continué à écrire exclusivement en anglais pour le public américain. Même si certains de ses livres ont été traduits de son vivant, elle n'a pas cherché à entrer dans le milieu littéraire français, même si elle avait des amis comme Paul Bourget ou Charles Dubos, comme James lui-même avait essayé de s'affirmer dans le milieu littéraire anglais. Non, elle a toujours écrit pour le milieu américain, alors pour le public américain. En 1890, elle publie une première nouvelle, avant le livre, hein, le premier roman que vous avez déjà évoqué, Jean Pavant. Cette nouvelle, c'est Mrs. Munsey's View, qui raconte la destruction du jardin et de la vie d'une vieille dame, victime finalement de la rage de détruire pour construire par-dessus. Je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait. Madame Munsey, peut-être, aurait pu rejoindre sa fille dans l'Ouest. Mais cela faisait maintenant tant d'années qu'elles étaient séparées, qu'elles avaient cessé d'éprouver le besoin de la compagnie l'une de l'autre. Et leur relation s'était depuis longtemps réduite à un échange de quelques lettres superficielles, écrites avec indifférence par la fille et avec difficulté par Madame Munsey, dont la main droite se raidissait progressivement sous l'effet de la goutte. Eût-elle plus fortement désiré la compagnie de sa fille, Madame Munsey, du fait de la croissante infirmité qui lui faisait regarder avec terreur les trois volées de marche entre sa chambre et la rue, aurait reculé à la veille d'entreprendre un si long voyage. Et sans peut-être se formuler ses raisons à elle-même, elle s'était faite depuis longtemps à la solitude de sa vie à New York. Certes, elle n'était pas absolument seule, car quelques amis continuaient de temps en temps de se hisser jusqu'à sa chambre, mais leurs visites se faisaient de plus en plus rares avec les années. Madame Munsey n'avait jamais été une femme très sociable, et du vivant de son mari, sa compagnie lui semblait bien suffisante. Pendant de longues années, elle avait souhaité aller vivre à la campagne, avoir un poulailler et un jardin, mais ce vœu avait disparu avec l'âge, ne laissant dans la poitrine de cette vieille dame peu expansive qu'une vague tendresse pour les plantes et les animaux. Une lecture de Vanda Benes pour cette nouvelle écrite à 26 ans, mais qui parle déjà de vieillesse et de solitude, Jean Pavant. De vieillesse, de solitude, de frustration. De frustration, elle a créé un personnage qui n'était pas du tout de son milieu. Elle a créé une veuve qui n'a pas beaucoup d'argent, qui est à New York et qui a comme seul plaisir de regarder par la fenêtre un arbre. Mm-hmm. Et l'arbre est détruit parce qu'il y a des constructions. Et au fond, sa vie n'a pas existé. Sa seule consolation est de regarder un arbre. Mais c'est comme la bibliothèque du père, je veux dire. C'est des femmes qui sont dans des situations étouffantes. Et c'est une très jolie nouvelle, oui. Après, il y aura d'autres nouvelles. La pierre de touche, par exemple. C'est le moment où, avec son mari, ils achètent une grande propriété dans le Massachusetts, à Lenox. Elle va publier aussi la nouvelle L'ange près de la tombe. C'est au moment où sa mère meurt à Paris. Lennox est plus qu'un achat. Lennox, le mari était là, mais en réalité c'est une création d'Edith Wharton avec Hoggett Cloneman. Donc cet architecte avec qui elle avec l'architecte qui a été très important d'ailleurs pendant toute l'époque pour faire des manoirs pour tous les riches américains dans la côte Est. Et Edith et Hoggett ont construit une maison que je suis allé voir et qui est très élégante. Est-ce qu'elle a quelque chose d'italien? Parce que c'est un peu la période italienne de Edith Wharton. Enfin, les jardins seraient un peu italiens. La maison serait plutôt dans le style anglais de Vrennes avec un petit peu de style français. Et c'est très américain. C'est-à-dire, c'est très harmonieux, c'est très propre. Les murs sont blancs. Les volets sont vernis. C'est impeccable. Mais ça a du goût. En 1902, c'est une création. Mm-hmm. Elle écrit en 1902, je le disais, son premier roman, The Valley of Decision. Elle le consacre justement à l'Italie et puis elle va l'envoyer à Henry James. Ça va être le début d'une correspondance entre eux, puis le début d'une longue amitié dont on va parler avec vous, Jean Pavant, juste après la chronique de Baptiste Ligier. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Baptiste Ligier, rédacteur en chef de la revue Lire. Bonjour Baptiste. Bonjour Mathieu. Vous vous demandez aujourd'hui si écrire est forcément faire acte de littérature. En tout cas, bon, vous connaissez ce bon vieux sujet de dissertation pour épreuve du bac, hein. D'ailleurs ça se rapproche. Mais la question n'a eu de cesse de poser en fin de compte au fil du temps, ramenant en creux la définition même de la littérature. Qu'en est-il par exemple de la correspondance des auteurs, des petits documents griffonnés, des articles de presse, des tribunes, voire des listes de courses ou des recettes de cuisine, qui ont été sujets à discussion. Mais on pourra aussi s'interroger naturellement sur cette ambiguïté sémantique au sujet des tweets d'un écrivain. Les tweets, les voilà. Et oui, il va sans dire qu'un message résumé en 140 ou désormais 280 signes possède intrinsèquement une contrainte qui a quelque chose de, j'allais dire, stimulant pour de nombreux écrivains. Les oulipiens en tête. On peut prendre quelqu'un comme Alain Weinstein, par exemple, un nom bien connu des auditeurs de France Culture, qui avait composé un ouvrage intitulé 140 signes, à partir de ses propres messages de ce type. On pourrait aussi évoquer le cas de la très dépressive poétesse américaine Melissa Broder, avec son recueil d'essais à succès, So Sad Today, tiré de son compte Twitter. Et comment ne pas citer notre bon Bernard Pivot, national de l'Académie Goncourt, et son compte, suivi quand même par 1 million de followers, et dont Albin Michel avait publié un recueil. Pour autant, l'immense majorité des tweets, bon, il faut bien reconnaître, n'ont pas forcément un grand rapport avec l'art du haïku. Ils permettent, bon, aux écrivains, comme tout un chacun d'ailleurs, de donner des informations personnelles ou professionnelles, de communiquer avec leurs lecteurs, ou même parfois d'offrir un prolongement de leur œuvre. Mais s'il y a bien un cas très particulier sur le sujet, c'est Bret Easton Ellis. D'ailleurs, dans son brûlot autobiographique qui fait événement, White, il revient sur son expérience très particulière des réseaux sociaux. Il faut dire que l'auteur d'American Psycho s'est bien amusé avec Twitter et qu'il a multiplié les provocations. Ah oui, oui. En sachant très bien d'ailleurs que les réactions n'allaient pas tarder. Vous voyez, c'est un petit peu comme un matador avec sa muletta. On va prendre quelques exemples. En 2012, Bret Easton Ellis écrivit un tweet polémique au sujet de la cinéaste Catherine Bigelow, réalisatrice de Des Mineurs. Selon lui, il s'agit d'un réalisateur vaguement intéressant si elle était un homme, mais comme c'est une femme sexy, elle est complètement surestimée. Je cite, imaginez le tollé. Bret Easton Ellis avait aussi choisi Twitter pour faire connaître son désir d'adapter pour le cinéma 50 nuances de Grey. Bon, la démarche n'a guère été fructueuse. Mais il faut aussi se méfier des téléphones portables, alors qu'il croyait commander de la drogue à son dealer par SMS, c'est authentique. Notre homme avait en réalité tweeté sur son compte sa liste, on va dire, de commissions. Est-ce que le dealer est arrivé, du coup? De stupéfiants. Ça, bah, oui, pas. Oui. Mais surtout, imaginez le scandale lorsqu'après un dîner arrosé, Ellis écrivit sur son smartphone qu'il venait de passer une soirée du côté de West Hollywood et qu'il avait été, je cite, choqué par le fait qu'une table entière votait pour Donald Trump, mais qu'il n'était pas pressé de le faire savoir. Le lendemain, Bret Easton Ellis découvrit que son tweet avait largement été partagé dans le monde entier. Ça lui a valu une énorme volée de bois vert. Alors, au-delà de ces anecdotes, Baptiste, des goûts et des points de vue politiques, qu'est-ce que Bret Easton Ellis cherche à exprimer dans son dernier livre, White? C'est l'un des intérêts de cet ouvrage sur lequel on peut largement disserter, on peut partager ses points de vue ou pas, tout ça est très ouvert. Bret Easton Ellis surtout décrit les conséquences de l'utilisation des réseaux sociaux sur notre monde, sur notre psyché collective. Selon lui, Twitter encourage, je cite, « la colère et le désespoir, depuis l'exagérément sincère, en passant par le signaleur de vertu, le débile, le littéral, jusqu'au dépourvu d'humour. » Aussi, pour l'auteur, Twitter est devenu, je cite, « l'endroit pour les pensées fulgurantes et les réponses immédiates à des simili culturels, pour capturer des choses qui flottaient dans l'air numérique, un endroit où proférer des insultes et manifester une absence de conscience, c'était une machine construite pour l'outrage et le scepticisme. » Il remarque par ailleurs une frustration et un dégoût, je cite, « entièrement provoqués par la stupidité des gens, adultes, connaissances et inconnus sur les réseaux sociaux qui toujours présentaient leurs opinions et leurs jugements inconsidérés avec la certitude inébranlable d'avoir raison. Le lieu d'échange virtuel aurait-il viré au grand défouloir, exacerbant nos pensées les plus obscures sans dialogue possible? L'instantanéité des réseaux sociaux tuerait-elle la possibilité d'une pensée un tant soit peu développée et une nécessité un tant soit peu de réflexion? Quoi qu'il en soit, on notera que White, d'ailleurs je répète, les avis sont très divers sur cet ouvrage, White donc est un livre, ou plus exactement un objet-livre. donc un retour aux sources pour l'ex-Twittos addict Brett Easton Ellis, preuve qu'on en revient toujours au livre. Alors, pour aller plus loin là-dessus, on peut évidemment lire votre magazine, lire, on peut également réécouter la mini-série en deux épisodes que nous avons donc consacré à Brett Easton Ellis, c'était il y a 2 semaines. Merci beaucoup Baptiste Ligier et à bientôt. Les auteurs sur France Culture au premier jour d'une série d'émissions consacrée à l'écrivaine américaine Edith Wharton, dont nous racontons aujourd'hui la vie avec Jean Pavant, une vie qu'elle a elle-même décrite dans son autobiographie Chemin parcouru, dont voici un nouvel extrait lu par Marie-France Ganzer où il est question de l'écrivain Henry James. Ma première rencontre avec Henry James eut lieu plusieurs années plus tôt, vraisemblablement à la fin des années 80 du siècle passé. Mais c'est au Mantes qu'il se plaça pour la première fois au premier plan du tableau. Pendant longtemps, je pensais qu'il n'y aurait guère de chance qu'il y figurât jamais, car la première fois que je le vis, j'étais encore muette en présence de la grandeur et je n'ai jamais douté que Henry James fût grand, quoique je n'ai pu tout à fait deviner sa grandeur véritable avant de connaître l'homme aussi bien que ses livres. Cette rencontre eut lieu chez Edward Boyd, le brillant aquarelliste dont Sargent admirait tant le talent. Boyd et sa femme, tous deux bostoniens et vieux amis de mon mari, ont vécu de longues années à Paris, et ce fut là qu'un jour ils nous invitèrent à dîner avec Henry James. J'avais de la peine à croire qu'un pareil privilège me fût accordé et ne pouvais envisager qu'une seule façon de le mériter, mettre ma plus récente robe de Doucet et tenter de paraître la plus jolie possible. Je n'avais pas plus de 25 ans, c'étaient les principes dans lesquels on m'avait élevé. Il ne me serait jamais venu à l'esprit qu'autre chose que ma jeunesse et ma jolie robe pût me recommander auprès de l'homme dont je me sentais indigne de lacer les souliers. Je peux encore voir cette robe, elle était vraiment jolie, d'un rose fané brodé de perles irisées. Mais hélas, elle ne me donna pas le courage de parler ni le pouvoir d'attirer l'attention du grand homme. La soirée fut un échec et je rentrai humiliée et découragée. Cette première rencontre avec Henry James, Jean Pavant, c'est donc plutôt un échec. Et en même temps, ce sera le début d'une très grande amitié. C'est-à-dire que le début de la très grande amitié, c'est quand James a lu le premier roman d'Edith Wharton, que j'ai traduit sous le titre « Des amours, Dodon et Fulvia », enfin, c'est pas mon titre, mais peu importe. Et c'est un titre que vous n'aimez pas trop. Non. la vallée du verdict, pour le titre original. Et là, James a été extrêmement frappé par l'extraordinaire talent de cette jeune mondaine américaine. Elle n'était plus tellement jeune, d'ailleurs, elle avait 40 ans. Et on voyait une très longue lettre de félicitations et d'admiration et d'un conseil déterminant qui est d'écouter. Ne perdez pas votre talent à des sujets historiques tarabiscotés, traitez votre société. Traitez de ce que vous connaissez le mieux. Voilà. On en parlera en particulier demain. Est-ce qu'on peut dire que c'est le double féminin de Henry James et Edith Wharton? Oui, c'est pour ça que la rencontre était capitale pour Edith Wharton, bien sûr, mais également pour James. C'est-à-dire qu'il y avait en James un puissant courant féminin dans son tempérament, et lui-même s'est beaucoup projeté dans des personnages féminins, dans Isabelle Archer, dans Portrait de femme, etc. Parce que lui-même était fragile, avait un psychisme fragile, était au bord de la dépression et se défendait en cherchant la petite fille en lui-même. Pour lui, l'élément féminin était puissant et pouvait mieux résister. À l'inverse de Wharton, qui elle a cherché le jeune homme en elle-même pour résister à la dépression féminine. Parce qu'elle-même, après souvent la publication d'un livre, tombait en dépression pendant de longs mois. Oh, je ne crois pas. Après la dépression du livre, je ne pense pas. Non. Il me semblait, enfin en tout cas, il me semble que vous l'écrivez dans la postface au chemin parcouru, mais il faudra vérifier ça. Peut-être. Excusez-moi, je suis pris du manchet, ça va passer. Alors, dans la dépression, c'est quand elle n'avait pas écrit, quand elle avait fait une des séries de dépression dont elle. Mais après quoi, le livre était une discipline. Elle c'était très clair dans son esprit qu'elle, qu'il y avait, sa vie était coupée, était partagée en deux. Il y avait sa vie imaginaire, qui était la vie de ses livres, et sa vie sociale. Elle vivait les deux avec autant d'intensité, dit-elle, mais c'était séparé. Alors qu'elle reconnaissait que chez les génies, dont James, il n'y avait aucune frontière. Le tempérament se voyait dans tout ce qu'il faisait et dans tout ce qu'il écrivait. Et James a rencontré un des personnages de ses propres romans, parce qu'il avait beaucoup traité des jeunes américaines de la haute société, mais aucun de ces personnages, brillant, séduisant, riche, cosmopolite, aucun de ces héroïnes n'était un grand écrivain. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir comment le terrain finalement de recherche littéraire, c'est-à-dire le milieu américano-européen de la haute société, est le même pour l'un comme pour l'autre, mais il ne le traite pas exactement de la même manière. Il y a quand même un décalage d'une vingtaine d'années. James, c'est un pionnier. Et il a la difficulté des pionniers, c'est-à-dire qu'il a traité des sujets nouveaux dans un style nouveau. Et Wharton est arrivé en traitant de sujets qui étaient déjà un peu connus grâce à James et dans un style classique, ce qui fait qu'elle a écrit des best-sellers qui sont, par ailleurs, il se trouve, des romans remarquables. Chez Les Heureux du Monde et Le Temps de l'Innocence sont des romans remarquables, mais le lecteur y avait ses repères. Avait ses repères de choses connues, familières, qui étaient très bien traitées. Alors que chez James, son côté peut-être un petit peu hautain, finalement, lui empêche d'accéder à un public aussi grand ? Oui, d'ailleurs, il n'y tenait pas vraiment, en réalité. Et puis son côté expérimental. Il y a encore des gens qui se demandent, mais pourquoi diable écrivait-il comme ça ? Il y avait une raison pour laquelle il écrivait comme ça, d'une manière extrêmement subtile et compliquée. Mais Wharton est arrivée apparemment comme une disciple de James. Elle est autre chose. Elle est à la fois, elle est plus que ça. Mais quand même, elle chez Les Heureux du Monde et dans les pas de Portrait de femme. Alors chez Les Heureux du Monde, publié en 1905, c'est son premier best-seller, 140 000 exemplaires vendu en quelques mois. Ça correspond aussi au moment où elle va définitivement donc s'installer à Paris. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Il y a un lien parce que c'est-à-dire qu'elle s'est affirmée comme écrivain parce que Les Amours d'Odon et Fulvia avaient eu du succès, mais comme une curiosité d'un roman historique et par ailleurs très remarquable, écrit par une femme de la bonne société. Tandis que chez les Heureux du Monde, la société américaine a vu un reflet. Et ça, en effet, tombé à un moment où elle avait besoin d'être en France pour divorcer, pour s'affirmer comme écrivain. Alors elle divorce précisément en 1913, c'est une année où elle remporte un autre grand succès avec Les Beaux Mariages. Et puis il faut parler un petit peu de sa liaison avec un journaliste, Fullerton, avec qui elle va vivre alors une passion, mais de quel type ? Parce que Fullerton voyage, navigue finalement entre Henry James et elle. Fullerton lui a été présenté par Henry James. James connaissait Fullerton depuis 3 ou 4 ans, peut-être un peu plus, et jouait un jeu de séduction avec Fullerton, parce que Fullerton était un bisexuel, qui avait des maîtresses, des amants. Et bien sûr, avec James, il n'est jamais passé à l'acte. Et il y a quand même une sorte de rivalité entre James et Wharton autour de ce garçon. Mais... Non, c'était une révélation physique. Elle a eu un amant. Elle a eu un amant. Finalement, l'érotisme avec lui. Oui. Et là, enfin, en tout cas, on ne peut pas savoir exactement, mais c'est ce que donne comme reflet. Elle a écrit un très beau poème qui s'appelle Terminus, qui est un poème sur la dernière nuit qu'elle a passée avec Fullerton dans un hôtel de gare, Terminus. Et d'une certaine manière, Henry James tenait la chandelle, parce qu'ils avaient dîné tous les trois avant, et puis elle avait décidé de rompre. À la manière virile, d'ailleurs. Mmh. Elle a dit, parce qu'elle se sent, elle dit, voilà, j'ai connu ce que connaissent les femmes ordinaires, mais je ne suis pas une femme ordinaire, on arrête. En plus, comme il était extrêmement volage, elle n'avait pas envie d'être empoisonnée par des tourments de jalousie. Donc ses amis à l'époque, c'est Henry James, on l'a beaucoup dit, c'est aussi Bernard Berenson, le grand historien d'art américain, spécialiste de la Renaissance italienne, et puis c'est Walter Berry. Alors là, c'est plus qu'un ami, c'est un compagnon. C'est l'ami de cœur de toute sa vie. C'était pas un écrivain, c'était un grand lettré, c'était un grand législateur international. Il a participé au traité de Versailles en 19. Il connaissait bien sûr Henry James, il connaissait très bien Proust. Et c'était même un proche visiblement. Pardon ? C'était un très proche de Proust en effet. Oui, enfin très proche dans la mesure où on pouvait l'être, mais il a beaucoup vu Proust et c'est celui qu'elle aurait pu épouser, mais c'est resté l'ami de cœur. Mais elle lui donnait à lire ses premiers essais, et il corrigeait son style. Elle avait une grande confiance dans la vie intellectuelle et littéraire de Walter Berry. Alors, elle publie à cette époque Ethan Frome, dont on parlera mercredi. Et puis arrive la Première Guerre mondiale, durant laquelle Edith Wharton a de nombreuses activités, comme elle le raconte dans Chemin parcouru. Écoutez. Au bout de 2 années de guerre, nous nous étions tous étrangement habitués à un état qui avait d'abord rendu impossible le détachement intellectuel. Il serait inexact de dire que nous ressentions moins vivement les souffrances et l'anxiété, mais la mystérieuse adaptabilité de l'animal humain permettait peu à peu aux travailleurs de l'arrière, alors qu'ils poursuivaient avec une énergie redoublée leur besogne asservissante, de trouver en eux-mêmes le moyen d'échapper aux horreurs environnantes. Mon agitation intellectuelle s'apaisa peu à peu dans l'activité. Je commençais un court roman, Été, aussi éloigné que possible par le cadre et le sujet des scènes qui m'entouraient, et ce travail fit paraître plus légère mes autres tâches. Ce récit fut écrit dans une grande joie, inventive, mais avec des milliers d'interruptions, et tandis que le reste de mon être était plongé dans les réalités tragiques de la guerre. Pourtant, je ne me souviens pas d'avoir jamais visualisé avec plus d'intensité un monde intérieur et les créatures qui le peuplaient. Bien des femmes avec qui j'étais en contact durant la guerre trouvèrent visiblement leur vocation en soignant les blessés ou dans d'autres activités philanthropiques. Le besoin de leur coopération développa en elles des aptitudes inattendues qui, dans certains cas, les détournèrent à jamais d'une oisiveté insatisfaisante et en firent des personnes heureuses. Pour ma part, j'étais déjà inexorablement dans les griffes d'une autre vocation. Tous les actes charitables que j'ai accomplis durant la guerre m'étaient imposés par les nécessités de l'heure. Mais j'avais toujours le sentiment que d'autres auraient bien mieux fait. Et je connus mon premier répit lorsque je me sentis libre de retourner à mon propre travail. Avec toujours une lecture de Wanda Beness. Elle va donc écrire un roman de guerre intitulé « Un fils sur le front », Jean Pavant. Oui. C'est un roman important. Oui, qui n'a pas eu beaucoup de presse et de ventes, mais en effet, elle écrit l'histoire d'un jeune Américain qui s'engage auprès des Alliés dans la guerre et qui meurt, alors qu'il aurait pu ne pas le faire, oui. Elle-même va, non pas s'engager, mais enfin s'approcher du front. Elle-même a été la première femme à aller sur le front de Verdun, et elle a fait une activité absolument remarquable. Et elle a eu d'ailleurs la Légion d'honneur pour cela. Mais le passage que vous venez de faire lire est justement remarquable. Elle dit, bon, très bien, j'ai fait cela. Une autre aurait pu le faire. Je reviens à mes vraies affaires qui sont écrites, qui sont d'écrire. Et en réalité, c'est pas tellement un fils sur le front qui est le produit de la guerre. Je dirais que c'est plutôt le temps d'innocence. Mmh. Après les horreurs de la guerre, elle a voulu revenir au New York de sa jeunesse, au New York de 1880. Et je pense quand même que la lecture de Proust l'a incité à le faire. Le temps de l'innocence dont on parlera aussi mercredi. Donc elle fait des voyages au front. Elle en écrit aussi des articles qui ont été réunis d'ailleurs dans Fighting France, From Dunkerque to Belfort. Donc il y a vraiment un rapport très proche avec tout de même la tragédie qui secoue l'Europe, cette Europe qu'elle aime tant, même si ça n'est pas sa patrie d'origine. Oui, il y a un autre recueil aussi, que French Ways and Their Meanings, qui est les mœurs que je traduis comme les mœurs françaises, comment les comprendre. Je suis désolé. Et qui sont une série d'articles pour expliquer aux Américains combien les Français sont merveilleux et pour les inciter à entrer dans le conflit. Elle a été... Pour expliquer aussi comment se passent les dîners à Paris et comment il faut se placer et s'asseoir par rapport à la maîtresse de maison. Je ne crois pas que ce soit dans French and Meanings. Elle en parle en tout cas dans non, les non, non, c'est dans, ça c'est autre chose. C'est dans, oui, elle parle de la courtoisie française qui fait que c'est horriblement compliqué de faire un plan de table s'il y a un évêque, un académicien, un duc. Il y a toujours l'académicien en haut, c'est sûr. Non, c'est l'évêque. C'est l'évêque, pardon. C'est l'évêque, ou le cardinal. Mais elle fait venir un ami ambassadeur. C'est compliqué quand on est évêque, ambassadeur. Oui, il y a pas dit ambassadeur en plus qui essaye pour avoir des conseils. Et son ami ambassadeur dit, ma chère amie, quel casse-tête, c'est épouvantable. Et comment feriez-vous? Moi, jamais, dit-il, je ne réunirai ces gens. Mais vous, comme vous êtes américaine, ça n'a pas d'importance. Personne ne vous en voudra. Alors, il y a encore beaucoup de voyages dans ces dernières années, puisqu'elle va mourir à 75 ans, c'est-à-dire tout de même relativement âgée pour l'époque. Elle va faire paraître un nombre impressionnant de romans, Jean Pavant. Oui. Elle n'a pas tellement voyagé, elle a acheté surtout deux châteaux. Elle a acheté un château au nord de Paris. Elle retourne en Italie tout de même à peu près à cette époque-là. Elle a voyagé un petit peu en Italie, mais c'est vraiment fixé parce que les châteaux étaient l'œuvre de sa vie aussi. D'abord, elle avait acheté Saint-Brice-sous-Forêt au milieu de la guerre, qui est au nord de Paris, le pavillon Colombes. Et puis Sainte-Claire de ce vieux château à Hyères qu'elle avait connu par son ami Paul Bourget. Mmh. Donc et elle romans... a tranquillement écrit ces romans qu'elle a produits et qui et elle était de plus en plus coupée quand même de la vie réelle, ce qui fait que sa dernière somme romanesque que j'ai traduite sur les rives de l'Hudson et les dieux arrivent est une construction mentale à propos du nouvel âge de jazz et la littérature de 1920, mais qui est un peu abstrait comme ça. Ouais. Il y a aussi son roman, alors qu'elle ne pourra pas achever, Les Boucanières. Oui. Est-ce que là, c'est un roman qui vous a intéressé en particulier? Je peux pas en dire grand-chose, à vrai dire. Je sais qu'il a été achevé par Marion Mainwaring. Oui. Mm-hmm. Les New-Yorkaises, à peu près à cette époque. Et New Yorkaise, c'est un choix que j'avais fait pour le traduire et qui a eu vraiment du succès, je pense, en raison du titre français, Les New Yorkaises, parce que le titre en anglais est Twilight Sleep. Et Twilight Sleep, c'est une sorte de, comment dire, de péridural, d'endormissement pour un accouchement sans douleur. Et c'est une satire, en effet, d'une mondaine new-yorkaise qui est dans un twilight sleep, qui ne veut voir aucun des drames autour d'elle, qui reste dans... C'est un roman assez brillant, très amusant, et qui se trouve avoir eu un succès en France. Au final, en quelques mots, Jean Pavant, est-ce qu'Edith Wharton est davantage une Américaine qu'une Européenne, selon vous? Ah, elle est Américaine, absolument. Absolument. De cette génération d'Américains qui sont venus à Paris, elle était venue un peu en avance. Mais ça a été massif dans les années 20. Merci beaucoup, Jean Pavant. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc écrivain et traducteur, notamment de l'autobiographie d'Edith Wharton, Chemin parcouru, paru chez Flammarion en 1995 et qui nous a servi à préparer cette émission. Mais vous avez également traduit Les mœurs françaises et comment les comprendre chez Payot en 2003. Les New Yorkaises sur les rives de l'Hudson sont disponibles chez J'ai lu. Les amours de Don et Fulvia sont disponibles chez Flammarion. Et La France en automobile, ça c'est un petit dernier, il est disponible en folio Gallimard. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Laurent Travec, Dishan Allen, Vanessa Prévost, Garance Mazelier, Laurence Millet, Laurence Genepin, Jordan Fuentes. Demain, nous ferons le parcours de l'œuvre d'Edith Wharton. Ce sera avec Anne Ulmo-Michel. Mais tout de suite, c'est le moment de retrouver la poésie choisie et interprétée par Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. Si je voulais donner un sens, apporter une précision quant aux voix suivies au cours de ces émissions, je dirais qu'elles vont du simple, parfois trop simple, au très complexe, parfois trop aussi, des écritures de poésie. Il y a de tout. N'expliquez pas, je n'ai pas compris, sera le titre de notre semaine. Un aphorisme de Louis Kuttner qui en a écrit beaucoup. Hein, rappelons-nous, sur Terre c'est étrange, mais chaque fois qu'un type meurt, c'est jamais le même. Voilà qui laisse à réfléchir. Il faut regarder la vie en farce, disait Louis Kuttner. Je prends le monde tel que je suis. J'ai trop d'ambition pour en avoir. Là, ça demande un petit peu de réfléchir. Après la pluie, vient le brouillard. Ça, c'est du Skutner. Et étage supérieur, degré sublime, l'Autriche, l'homme aussi. Vous voyez, là, c'est l'aphorisme. N'expliquez pas, je n'ai pas compris. Et nous allons nous saisir en cette première journée de Zhukovski, qui est paru chez nous 80 fleurs. Je vais au quatrième de couverture. Zhukovski, 1904-1978, est l'un des plus grands poètes américains du XXe siècle. Il initie le mouvement objectiviste auquel sont associés Charles Reznikov, George Open et Karl Rakosi. Vite, je fonce à la première page. Now, 80 fleurs. Or tous, invisiblement, teint, tant, ronde, rose, bouton, feu, basse terre, oiseau, piétine, bourbier, sec, lierre, terrestre, tige, carré, feuille, cordée, turf, course, teint, cheval, souffle, énième, MS, et nid, peine du harnais, pour refouler, thus, fruit, cosse, casse, quatre, un quart mûri, immortel, bouche bée. Et là, on se dit qu'il faut se fier à la musique. On tourne, on cherche. Étoile luisante, peut-être. Étoile luisante, rose naine chinoise, épine buisson, lanterne chair de mode, aérant pneu écrasé, jeune en relevaille, vieux grimpant, envolé au ciel, canne élaguée, une couronne transplantée, endure la sécheresse, soleil d'or, cerclé de feu branchu, saluant teint brun d'automne, tête, très heureux hiver, sculpte rose blanche. Là, vraiment, ça commence à venir. N'expliquez pas. Je n'ai pas compris. Lila, voyez, ça sent à la fois le jardin et son terrain vague. Lila, seringue à bois de pipeau, logis suave par tempête délogée, né ces deux couleurs lila, pâle et profond fleurissent sous la brise, élaguer certaines floraisons automnales, répandues rouges, hespéris pourpre, mer du soir, printemps parti, ange en tournure lilas profond, pâli ange lilas cru blanc. On peut au moins saluer la traductrice Abigail Lang. Et citer pour terminer J.B. Pouy, le romancier, dans 54-13, lorsqu'il écrit « J'en étais aux filles sublimes, genre Valentina Vargas. Ah oui, le soir même, j'ai fait un poème, que les mots les uns après les autres, genre Dracula, corbeau, encre, caféine, nuit, VV vampire, velouté, orque, panda, repos, terreur, nerf blanc, alien. N'importe quoi, c'était bien. » Merci Jacques Bonafé pour ces lectures dont on peut trouver les références sur votre page dans le site de France Culture.